à Genève. Passez un très bel après-midi, c'est l'heure d'Histoire vivante. Histoire vivante en nouvelle diffusion, proposée par Jean Leclerc et Frédéric Piffer. Fille de vie, fille de joie, ribaude commune. Cette semaine, la prostitution. Si on veut comprendre l'histoire de la prostitution, il est évident qu'il faut partir de la demande. De l'Antiquité à l'aube du XXe siècle. Aux origines de Rome, c'est violence, c'est sexe, et c'est cette image de prostitution avec la louve et la lupa qui sont présentes. Le bordel devient, dans l'esprit des magistrats du 1er 15e siècle, un atelier de conjugalité, parce qu'on peut y apprendre à chevaucher normalement une femme. Dans la première moitié du 19e siècle, les femmes étaient recluses dans les maisons closes. Alors les courtisanes, il y en avait à tous les étages, si je puis dire, de la société. Et dans certains cas, ces femmes avaient une intelligence et une influence, il faut bien le dire, très forte sur les décisions politiques prises par leur amant. Qu'ont donc été les bas-fonds de l'Antiquité? Comment les femmes s'y prenaient-elles alors? Et comment les auteurs ont-ils décrit ces femmes et leurs pratiques? Quelle est la plus honteuse coutume des Babyloniens? Ce sont là quelques-unes des questions que nous aborderons dans ce deuxième épisode intitulé « Le plus vieux métier du monde ». Les femmes au coin des rues accosteront ceux qui sortent d'un dîner et leur diront « Viens chez moi, il y a une jolie petite ». Et une autre criera du premier étage « Viens plutôt chez moi, j'ai la plus belle et la plus blanche ». Moi, tout enduite de ces ruses, j'attends là et, vêtue d'une petite tunique jaune, sans rien faire, je fredonne une petite chanson en folâtrant pour séduire le passant. Aristophane, l'Assemblée des femmes, 5e siècle avant Jésus-Christ. Aujourd'hui, pour mieux connaître ce que fut la question de la prostitution pendant l'Antiquité grecque, nous serons en compagnie de l'historienne Catherine Sall. La prostitution est toujours liée à certains quartiers des villes, à une organisation politique et économique des cités, et par conséquent, ça ne peut véritablement apparaître que dans une cité déjà bien constituée et ayant un grand nombre d'habitants, même si on a des exemples, en particulier dans la Bible, de prostitution qui se passe à l'extérieur des villes et dans le désert en particulier. À Athènes, c'est dans le quartier du céramique essentiellement que sont concentrées les prostituées et c'est l'État, à Athènes en tout cas, qui s'occupe de la gestion de ces quartiers chauds et du contrôle de ces femmes qui sont employées dans ces loges où elles reçoivent des clients. Solon est le grand législateur d'Athènes, c'est lui qui a fait, d'après les traditions, qui a fait toutes les lois d'Athènes, et en particulier, il en a fait une sur la prostitution pour indiquer donc que les femmes se répartissaient en trois catégories, les épouses pour donner des enfants, les concubines pour donner de l'agrément à la maison, quand on est à la maison, et les courtisanes, les prostituées pour donner du plaisir. Et c'est à partir de là que le métier de prostituée à Athènes devient une sorte de profession, je dirais, protégée par l'État, dans la mesure où l'État bénéficie directement de l'exercice de la prostitution, puisque les prostituées ou leurs proxénètes, parce que ce sont généralement les proxénètes, doivent verser à l'État un impôt sur chaque rencontre, chaque passe, pour protéger la vertu des femmes mariées ou des jeunes filles. Et c'est d'ailleurs un argument que l'on rencontre très souvent, non seulement dans les sociétés de l'Antiquité, mais dans des sociétés plus modernes où la prostitution a un rôle de défoulement pour les hommes qui ont besoin de ça et qui, s'ils n'avaient pas les prostituées, se tourneraient vers les femmes honorables, les femmes mariées, les jeunes filles ou, bien sûr, les petits garçons, puisque en Grèce, ça englobe aussi la catégorie des enfants. Elles ont été achetées ou ramassées aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que les enfants sont exposés dans l'Antiquité, donc bien souvent, les enfants exposés, s'ils sont recueillis par quelqu'un, sont recueillis par une personne qui fait métier de proxénète. Et donc, on les élève dès l'âge de 3-4 ans à être séduisantes, à savoir se plier au désir des hommes. Et la prostitution commence très tôt. Il n'est pas rare, dans les textes que nous avons, de voir des enfants, filles ou garçons d'ailleurs, prostituées tout à fait légalement, sans que ce soit considéré comme répréhensible. Bien souvent, une femme qui a été prostituée, lorsqu'elle est plus en âge d'exercer son métier, élève sa fille à ce métier. Une fille qu'elle a pu avoir par la main de passage d'ailleurs. Mais c'est vrai que les meilleures mères maquerelles sont les véritables mères, bien souvent, de ces adolescentes, parce que il faut bien se remettre dans l'Antiquité où une femme a déjà 18 ans et déjà âgée, donc ces prostituées, il y a des enfants ou des adolescentes. Bon, évidemment, elles valent beaucoup plus cher que des femmes plus âgées. Chez elles, tout est bon pour faire du fric et dépouiller leurs voisins. Le reste est accessoire. Ainsi donc, elles ourdissent des complots contre tout le monde. Dès qu'elles se sont enrichies, elles engagent dans leur maison quelques filles bien fraîches pour faire leur apprentissage et elles les métamorphosent tant et si bien qu'elles ne conservent plus rien de leur apparence d'antan. Bon, supposez qu'une fille est trop petite. Qu'à cela ne tienne, on lui coud une semelle de liège dans ses chaussures. L'autre est trop grande, on lui fait porter un mince escarpin et on l'incite à marcher en enfonçant sa tête entre les épaules. Sa taille n'en est que plus réduite. L'autre n'est pas très trapu, on la bourre d'étoffe sous sa robe afin d'exciter les passants dans la rue, estomaqués à la vue d'une si parfaite cambrure. Elle a trop de ventre, on l'enserre dans un corset, comme on fait pour les acteurs comiques. Ainsi, on dégage la poitrine, elle tire alors en avant, comme si, avec ses perches, elle renfonçait l'estomac. Une autre a des sourcils trop roux, elle les peint avec du noir de fumée. Une d'elles a le teint trop mat, on lui badigeonne la face avec du blanc de céruse. Elle est trop pâlotte, elle se frotte les joues avec du fard. Une fille a une partie du corps particulièrement attirante, aussitôt, on la met en valeur. Elle a de jolies dents, alors elle a pour mission de rire en toutes circonstances pour montrer aux gens combien sa bouche est délicate. Le rire n'est pas son fort, elle reste confinée dans son intérieur et, comme chez les bouchers qui garnissent leur tête de veau sur leurs étals, elles doivent sans discussion tenir entre les lèvres un brin de myrte bien raide. À force, elle finit par se dérider. Tels sont les stratagèmes mis en œuvre par ces femmes pour façonner leur corps et leur visage. Alexis, poète comique originaire de Tourieuil en Grande-Grèce, la juste mesure. On ne sait pas quand il est né, mais il vécut 106 ans au moins jusqu'à l'année 288 avant notre ère. Catherine Salles, historienne, auteure de La prostitution dans l'Antiquité. En Grèce, elles doivent, enfin, celles, pour être bien payées, c'est toujours, évidemment, le but recherché, c'est de gagner le plus possible d'argent. Ça ne veut pas dire que toutes les prostituées avaient cette éducation. Il y en avait de beaucoup plus bas étage qui n'avaient pas cette éducation. Mais celles qui avaient cette éducation et qui étaient capables en particulier d'être paraître dans les banquets, puisqu'on les faisait venir pour les banquets, devaient avoir des connaissances dans tous les arts d'agrément, la musique, la danse, le chant. Et on essayait de leur donner un vernis de bonne manière, même si l'on voit, enfin c'est un des traits comiques le plus souvent recherché par les écrivains grec ou latin, de montrer comment la prostituée qui fait l'élégante et la maniérée lorsqu'elle est avec des hommes se précipite comme une gloutonne sur la nourriture desséchée ou graisseuse, parce qu'en fait elle a faim et tout ce qu'elle a fait auparavant c'est pour avoir un peu d'argent pour manger. La vie athénienne avait ses divertissements. Étaïr, prostitution sacrée, prostitution tout court, jeux, tavernes, ivresse de toutes sortes, banquets. Catherine Salles, historienne. Le banquet, c'est une pratique très, très complexe chez les Grecs. Elle le sera moins chez les Romains, mais chez les Grecs, c'est une préparation. Le vin, la nourriture n'occupe pas une place très, très importante dans le banquet. Ce sont surtout les boissons qui occupent une place importante. Et ces boissons, ces entretiens entre les convives, les jeux auxquels ils se livrent, parce qu'il y a beaucoup de jeux, qui d'ailleurs font participer ces courtisanes qui sont là et que l'on voit sur les vases grecs. On voit toujours les banqueteurs entourés de flûtistes ou de danseuses. Et ceci pour atteindre, au fur et à mesure que la nuit passe, une forme de plaisir qui peut être de différentes natures. Ça peut être un plaisir à la fois sensuel et intellectuel, et c'est ce qu'on voit surtout dans les dialogues de Platon, bien entendu, mais ça peut être aussi un plaisir beaucoup plus sensuel, simplement. Voire orgiaque. Bon, certains banquets se terminaient dans des beuveries où tout le monde roulait ivre-mort au bas des lits de table. Mais évidemment, avec Platon, nous avons la version érotique et philosophique du but du banquet. Pareil à la Grèce, Rome est aussi, sinon plus, le lieu de tous les excès. Emblème de la ville, la Louve qui recueillit Romulus et Rémus était une prostituée. Jean-Daniel Robert, historien. Ils ont été recueillis par une loupa, effectivement, qui veut dire louve. Et le mot à l'origine désigne la prostituée et non pas la femelle du loup. Le mot sera utilisé plus tard dans le vocabulaire latin pour désigner la femelle du loup, mais à l'origine, loupa désigne la louve, c'est-à-dire la prostituée. Avant d'être recueillie par une louve, nourrie plutôt par une louve, nos deux jeunes bambins sont quand même issus d'un viol, puisque leur mère, Rhea Silvia, qui avait été condamnée à être vestale, a été fécondée de force par le dieu Mars. Noble viol, me direz-vous, surtout si l'on sait que le dieu Mars a fécondé Rhea Silvia sous la forme d'une pluie d'or, n'est-ce pas? Ça fait rêver tous ceux qui planchent sur le CAC 40 aujourd'hui, mais ça veut dire quand même qu'aux origines de Rome, c'est violence, c'est sexe, et c'est cette image de prostitution avec la louve et la loupa qui sont présentes. Alors, ils ont été nourris par cette louve, et puis ensuite, vous savez, le berger Faustulus les a repérés et a ramené les deux petits jumeaux qui braillaient à sa femme qui les a élevés. Cette femme, elle s'appelle Acalarantia. Or, il se trouve qu'il y a une deuxième légende à Rome d'Acalarantia qui se superpose un peu sur la première et qui est l'histoire d'une femme prostituée, elle aussi. Cette femme aurait été servie, si je puis dire, au dieu Hercule par son sacristain. Le sacristain jouait avec le dieu pour passer le temps, n'est-ce pas? Et il avait parié, s'il perdait, d'offrir au dieu une prostituée. Il jouait très honnêtement, ce sacristain, parce qu'il jouait aussi pour son dieu, n'est-ce pas? Il a fait gagner le dieu. Donc il est allé chercher Acalarantia pour l'offrir à son dieu. Mais il y a une histoire qui suit. C'est qu'Acalarantia ensuite a épousé un riche étrusque. Et à sa mort, elle a légué tous ses biens aux Romains. Si fait que chaque année, au fait des Larentalia, on fêtait Acalarantia comme une bienfaitrice. Par conséquent, aux origines de Rome, vous avez un viol, vous avez une louve qui est le symbole de la prostituée, et puis vous avez une prostituée en chair et en os, si j'ose dire, qui est considérée comme une bienfaitrice et vénérée comme telle tous les mois de décembre. Le lupanar vient de là. La louve, c'est l'animal totémique de Rome, et évidemment, le métier de la louve s'exerce essentiellement au lupanar. Tu pourras à tout moment et de manière infaillible acheter ton plaisir pour une petite pièce de monnaie, ce qui t'évitera de chasser les amours clandestines. Pratique nocive entre toutes, dans le but avoué d'assouvir davantage ton orgueil déplacé que ton goût du plaisir. De même, Xénarque, dans son pantathlon, pourfend tous ceux qui, comme toi, se prélassent auprès des poules de luxe ou des femmes mariées, donc de conditions libres. Terrible, terrible et tout à fait intolérable les mœurs des jeunes gens dans notre cité. Dire qu'il y a tant de beaux brins de filles qui attendent dans les bordels. Les garçons peuvent les voir, se dorer au soleil, les seins nus, prêts à agir en première ligne. Et on peut trouver sa pointure sans aucun problème. Il n'y a que l'embarras du choix. Le garçon la veut-il maigre ou grasse, rondelette, tout en longueur, un peu tassée, jeune, vieille, mûre, blette? Au moins, il n'est pas besoin de se munir d'une échelle pour se glisser furtivement jusqu'à elle, ni passer par le trou de la cheminée. Nul besoin de se fourrer dans un tas de paille. Rien de tout cela. On n'a qu'à se laisser entraîner vers elle. Les vieux, elle les appelle papy. Les jeunes, ce sont les petits salauds. On peut rendre visite à ces demoiselles sans crainte, pour bien peu. Et à n'importe quel moment de la journée, le jour, le soir, bref, à votre convenance. Anonyme, 4e siècle avant Jésus-Christ. Jean-Daniel Robert, historien. En fait, tout dépend ce que l'on entend par lupanard. Si par lupanard on entend bouge sordide ou pour 3 francs 6 sous on peut trouver une prostituée, certes on va les trouver dans les quartiers populaires, par exemple à Subur. Là, vous avez un spectacle sous la République assez désastreux que Fellini d'ailleurs a rendu à sa façon, mais de façon assez frappante, de maisons qui sont réparties en petites chambres. Aux portes desquelles se tiennent des filles et des garçons, généralement nus, la chambre est fermée par un simple rideau et l'on vient là pour quelques centimes, n'est-ce pas? Les moins chers, c'est 2 as. 2 as, ça correspondrait, si vous voulez, à ce que serait 50 centimes aujourd'hui. Un ouvrier gagnait 3 sesterces, donc infiniment plus, si j'ose dire, que le prix de ces prostituées est tout à fait misérable. Ça, c'est Subur. Mais vous avez aussi des prostituées tout aussi misérables, par exemple, sous les remparts de Rome. Alors là, il n'y a même pas de lupanar en tant que maison, que bâtisse, n'est-ce pas ? On les trouve et on fait l'amour plus ou moins en plein air ou dans des cabanes qui sont à même le mur d'enceinte de la ville. Donc, c'est assez sordide. Et puis, de l'autre côté, vous avez évidemment les quartiers chics. Alors, dans les quartiers chics, vous n'avez pas des lupanars de la même façon. Vous avez des maisons qui sont tenues par des lénaux, par de sorte des mères maquerelles, si vous voulez, ou des hommes qui font ce commerce de la prostitution et qui élèvent, qui nourrissent, qui entretiennent des courtisanes, alors là, à des prix très peu abordables pour le peuple, puisque ce sont des filles que l'on peut louer à la journée, à l'année, avec des contrats bien signés. Les lénaux sont des gens très, très exigeants et il peut en coûter 10 000 sesterces, par exemple, pour des prix vraiment faramineux. Ce sont des maisons très, très bien, n'est-ce pas? Genre maison close, où l'on peut venir trouver une fille, où elles sont généralement éduquées, elles connaissent la musique, elles savent se tenir lors d'un banquet, donc elles peuvent valoriser ceux qui les prennent à leur service. Moi filé, Catherine Salle, historienne, auteure de « Les bas-fonds de l'Antiquité ». Nous connaissons les différentes catégories de prostituées d'après les textes des auteurs classiques d'Athènes qui ont écrit soit pendant ce qu'on appelle le siècle de Périclès, c'est-à-dire grosso modo le 5e siècle avant notre ère, soit le siècle suivant, 4e siècle. C'est pendant cette période que l'on trouve, cela va depuis les tragiques au début du 5e siècle jusqu'aux philosophes, aux historiens et aux orateurs qui parlent des courtisanes. Elles sont là, elles font leur métier, elles n'ont peu d'activité à l'extérieur du quartier où elles exercent. Et puis, il y a les très belles courtisanes qui, elles, vont faire une carrière et une carrière très intéressante dans une société où la femme légitime a une fonction de mère, d'épouse, elle vit dans le gynécée des maisons, elle sort fort peu, alors que l'on va assister à la floraison de toute une série de très belles courtisanes, Aspasie, Laïs, Thaïs, etc., toutes ces femmes qui ont marqué par leur beauté, par leur intelligence, l'époque où elles ont vécu, et qui sont ce qu'on appelle en Grèce des hétaïres, c'est-à-dire des compagnes, et ces hétaïres sont des courtisanes de haute volée, comparables en quelque sorte aux courtisanes, je dirais, du début de notre siècle, enfin dans les années 1900, les Lianes de Pougy, ce sont des femmes de cette nature-là. Et elles sont, généralement, on le voit avec Aspasie en particulier, ce sont les confidentes, les compagnes des hommes politiques les plus importants. Aspasie accompagne Périclès, donc le chef d'État, dans toutes ses activités, alors que la femme de Périclès, elle, reste chez elle. Et c'est une sorte, pour un homme d'État, c'est une façon de montrer sa puissance, sa richesse. On a une belle courtisane avec soi en tant que signe extérieur de valeur, de richesse. Et dans certains cas, ces femmes avaient une intelligence et une influence, il faut bien le dire, très forte sur les décisions politiques prises par leur amant. C'était elle que l'on chargeait d'ailleurs de recevoir les ambassadeurs étrangers pour montrer la grandeur d'Athènes par la beauté de cette femme qui accompagnait le chef d'État. Jean-Daniel Robert, historien. Vous savez, tout ce qui fait la société romaine, c'est l'argent. Par conséquent, qui a de l'argent peut s'offrir tous les plaisirs les plus raffinés, qui n'en a pas est réduit souvent à vivre misérablement jusqu'à ses plaisirs. C'est dire que la prostitution s'adapte à ces deux aspects de la société. Je rappellerai même par la même occasion, il n'y a pas véritablement de classe moyenne à Rome. Où l'on est riche, d'une certaine façon, où l'on est pauvre. Alors il y a différents degrés dans la pauvreté. Cela va de celui à qui il manque quelques as pour pouvoir effectivement vivre décemment, jusqu'au SDF, ils étaient légions dans les rues, qui étaient complètement abandonnés, qui mouraient même là dans les rues et qu'on ne ramassait même pas forcément tout de suite. Donc c'était très très misérable. Et puis de l'autre côté, nous avons ceux qui vivent correctement, mais disons juste, jusqu'à ceux qui ont des fortunes tout à fait faramineuses. Par conséquent, la prostitution s'adapte aussi à ces différentes catégories. Écoute ce que notre empereur Claude eut à souffrir. Dès que son épouse le croyait endormi, préférant un grabat au lit impérial, cette auguste courtisane sortait du palais, suivie d'une seule confidente, se glissait, à la faveur des ténèbres et d'un déguisement, dans une loge fétide et misérable qui lui était réservée. C'est là que, sous le nom de Lysisca, Messaline, toute nue, la gorge retenue par un réseau d'or, dévouait à la brutalité publique les flancs qui te portèrent, généreux Britannicus. Cependant, elle flatte quiconque se présente et demande le salaire accoutumé. Puis, couchée sur le dos, elle s'abandonne sans mesure à tous les assauts qu'on lui livre. Le chef du lieu congédie ses courtisanes, elle se retire à regret, mais du moins, prolongeant ses jouissances autant qu'elle le peut, elle ferme sa loge la dernière. Le désir lui fait encore sentir ses aiguillons. Plus fatiguée qu'assouvie, elle sort, les yeux éteints, enfumée par la lampe, et rapporte l'odeur de cet antre sur l'oreiller de l'empereur. Juvénal, satire. 1er siècle avant Jésus-Christ. Messaline, évidemment, Juvénal en a fait ses choux gras, n'est-ce pas? C'est très amusant de voir cette femme qui ne peut résister à l'appel de la nature et qui, pendant que l'empereur Claude dort sur ses deux oreilles et fait de beaux rêves impériaux, n'est-ce pas, se précipite au lupanard du coin pour se vendre et nous dit le satirique, évidemment, va jusqu'au bout de la nuit, la dernière à partir pour profiter jusqu'au bout du stupre qui règne là. Mais ça, c'est un peu l'anecdote. Maintenant, cette prostitution clandestine, je ne l'appellerai pas clandestine, je dirais qu'il n'y a pas, finalement, de lieu unique pour la prostitution. Le lupanar n'est pas un lieu unique. Il y en a partout. Par exemple, dans les auberges. L'auberge est un lieu très populaire. Les gens riches ne descendent pas dans l'hôtellerie. Le réseau hôtelier est très, très médiocre. On descend chez les amis. La loi de l'hospitalité est très développée à Rome. Alors, les pauvres, les gens du commun vont à l'auberge. On fournit à l'auberge des filles pour la nuit. Horace nous raconte très bien dans un poème qu'on lui avait promis la serveuse pour la nuit. Il est dans sa chambre, il est tout seul, il l'attend, n'est-ce pas? Bon, bien, à lui de se débrouiller tout seul, tant pis, il a été berné, il n'aura pas la fille. L'auberge, le bain également. Vous allez au bain, vous allez au terme ensuite à partir d'Auguste. Eh bien, évidemment, vous pouvez louer quelques esclaves pour garder vos affaires, ce qui est prudent d'ailleurs parce qu'il y a beaucoup de vols. Et donc, on peut laisser ses affaires au vestiaire. Mais néanmoins, ces esclaves se prêtent volontiers à d'autres formes de fonctions qui peuvent être tout à fait la prostitution. Le sexe est partout, on n'en a pas honte. Je pense, en vous disant cela, à une récente découverte archéologique où l'on croyait, on avait vu des représentations érotiques, des petits tableaux érotiques, et puis on s'est aperçu que, à Pompéi, on a découvert cela, dans un établissement de bain. Donc, en fait, au vestiaire, chaque vestiaire, au lieu d'avoir un numéro, était illustré par une position érotique. Alors, par exemple, au lieu d'avoir le numéro 4, n'est-ce pas, ben vous aviez le vestiaire de la fellation ou le vestiaire de l'écousse éroticus, etc. Bon. Donc, on n'a pas honte de cela. Et cette forme de prostitution, elle est rampante, elle est partout. On la trouve dans les rues. Le racolage est dans les rues. Tenez, relisons le Satyricon de Pétrone. Nous avons un des personnages qui est là, qui se promène dans les rues un peu tortueuses de Rome, de Subur, et puis soudain, une femme l'entraîne, bon, puis c'est une matrone, en fait, enfin, je veux dire, ce n'est pas une mère maquerelle spécifiquement. On peut se trouver comme ça entraîné, un brave père de famille peut vous proposer de vous masturber au coin de la rue pour trois fois rien, ce qui lui fera toujours un petit bénéfice, parce que tel est son besoin en même temps d'argent et de sexe. On voit ça également dans le Satyricon, mais ce sont des choses qui certainement arrivait assez fréquemment à ce niveau-là de la société. En Grèce, toutes sortes de prostitution, et notamment la prostitution sacrée. Catherine Salle. La prostitution sacrée vient de Babylone, vient de certaines régions aussi du Moyen-Orient. C'est une forme particulière de culte qui est rendue à des divinités. Alors cette divinité, c'est généralement Ishtar chez les Babyloniens, qui est une divinité donc de la fécondité. Et l'acte cultuel consiste à s'unir avec une des prêtresses de cette divinité, ces prêtresses étant donc considérées comme étant des prostituées sacrées. C'est l'acte sexuel qui constitue en fait l'acte cultuel. C'est assez curieux, mais c'est comme cela. Et ce culte va être apporté vers la Grèce, et puis même vers l'Italie, vers la Sicile, par des commerçants certainement venant de Babylone, ou par des gens qui ont circulé entre Babylone vers l'Ouest. Et on retrouve la pratique de la prostitution sacrée créé à Chypre, bien entendu, qui est l'île de Vénus, et aussi à Corinthe. Et Corinthe est devenue, dans le monde grec, le symbole même de cette prostitution sacrée, alors qu'en fait, ce n'était que l'apport d'étrangers qui avait introduit cette prostitution sacrée. Mais il y a donc sur l'acro-Corinthe, c'est-à-dire l'acropole qui surmontait la ville de Corinthe, il y avait un temple où se pratiquait la prostitution sacrée. Et il y avait un proverbe dans la Grèce qui disait: il n'est pas donné à tout le monde d'aller à Corinthe, parce que ça coûtait tellement cher d'aller à Corinthe et de s'unir avec ces prostituées sacrées qu'il fallait avoir déjà une bonne fortune, et c'était un objet de plaisanterie d'ailleurs parmi les Grecs. Et puis ce culte d'ailleurs se transportera en Sicile et ensuite à Rome. Notre épisode était intitulé « Le plus vieux métier du monde ». Avec aujourd'hui les historiens Catherine Salle et Jean-Daniel Robert. Demain la suite avec un nouvel épisode intitulé « Le prostibulum publicum ». d'Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc, en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Réalisation, David Golan. Assistanat de production, Corinne Rochat, Valérie Dantan, Daniel Zacker. Lecture, Michel Morat. Réécoute et podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez la première, il est 14h.